Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Big Suisse. Salut, comment tu vas? Alors je sais pas trop si je dois t'appeler Big Suisse ou si je dois t'appeler Alphonse. Salut Sofiane, bah écoute, Alphonse c'est une longue histoire, hein. Je suis né avec, j'ai subi avec Michael Young et son Alphonse Alphonse Brown, super. Alphonse Brown, eh oui. Alphonse Brown, ouais, culture de la betterave, donc il a plus ou moins détruit ma crédibilité. Donc j'ai préféré commencer mon côté artistique humoristique en tant que Big Suisse, parce que Big Suisse représente en fait mon profil ou bien mon physique, grand et suisse. Voilà, mm-hmm. Et puis la petite connotation américaine pour que ça fasse un petit peu plus international. Alors Big Suisse, voilà. Et puis en anglais, Big Suisse, voilà. Ça fait stylé. De ouf. Donc, monsieur Big Suisse, merci, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Sofiane. C'est un plaisir de pouvoir discuter devant un écran gris, pour bien sûr, parce que c'est une podcast, hein, on va faire le concept de la radio, et surtout de pouvoir être en contact avec un autre humoriste durant cette période difficile que nous avons subie, nous les humoristes, avec ce confinement, ce reconfinement, ce re-reconfinement. Cette histoire de quarantaine, cette vaccination qui devait fonctionner, mais qui ne fonctionne pas, mais qui va quand même fonctionner sans fonctionner. Donc, non, mais c'est que du bonheur. Je crois que tu as mieux résumé que toutes les chaînes d'infos, là. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Non, mais j'ai beaucoup d'inspiration comme ça, tout seul à la maison. J'ai l'impression d'être dans une prison. Et le seul gardien qui me surveille, c'est moi-même. Donc, super. Mais c'est ça, en fait, c'est une prison dont tu as les clés. Ouais, c'est ça. Ça fait trop bizarre. J'hésite de sortir. Bon, on peut sortir. Non, on ne peut pas. J'ai regardé les médias. Non, mais vous, je suis en train de regarder les médias. Et puis, côté Suisse, parce que bien sûr, je suis basé en Suisse, à côté de Genève. Et la Suisse, bien sûr, il y a une partie francophone, une partie allemand, qui parle l'allemand et une partie italienne. Donc, nous, les francophones, on écoute beaucoup les médias français, bien sûr. Oui. Médias français, bon, je suis là, je vais pas te mentir, je suis sur RT France. Je sais pas si j'ai le droit de le dire ou bien on va être, on va dire, enregistré par le gouvernement. Mais RT France, c'est une chaîne russe sponsorisée par le russe qui explique une certaine réalité du terrain de la vie quotidienne des Français. Donc après, quand je vais sur BFM TV, j'ai l'impression qu'on est dans Wonderland, tu sais, le monde de Narnia. C'est sûr. Mais je connaissais même pas RT France. Enfin, le nom me dit quelque chose, mais je savais pas que c'était une chaîne. La lettre R et la lettre T qui se suit, ouais. Et après France, et tu le chopes sur une chaîne YouTube. D'accord. Et là, en fait, c'est Poutine qui présente les infos. Ouais, ça doit être sa cousine, hein. Et au niveau des infos, en fait, c'est-à-dire, ils ont pas peur de dire la vérité, tout ça, ils balancent sans problème. Ils balancent. Hein. Je sais pas si de leur côté ils font une propagande contre-productive pour la France. Mais en tout cas, ils présentent d'une manière plausible. Tu vois, on a l'impression que voilà, ils ont fait des recherches journalistiques pour avoir un résultat et puis ils donnent l'information comme elle est. Ouais, c'est un peu comme Mediapart, quoi. Ouais. C'est le même style. Mediapart. Après, il y a Sud Radio que j'écoute souvent sur YouTube. Sud Radio, qui est une radio française qui eux ont fait la nécessaire d'avoir une chaîne sur YouTube aussi, et ils font pas mal d'interviews, et puis intéressant. Tu vois, c'est pas pour ou contre. Et puis, en fait, on fait une sorte d'acharnement comme sur TPMP, là, sur les invités qui viennent donner leur point de vue, qui va à l'encontre du pouvoir. Et puis là, on dirait que c'est la guerre des tranchées. C'est assez impressionnant comme la liberté d'expression est un outil de géométrie variable. En fait, même nous, en tant qu'humoristes, j'ai l'impression qu'on a compris depuis longtemps qu'on devait s'auto-censurer sur certains sujets ou le présenter d'une certaine manière ou qui va blesser aucune... C'est pas question de blesser, mais qui va pointer du doigt aucune personne. Je sais pas pour toi, après... Moi, j'essaye, quand je suis sur scène, j'essaye vraiment de pas taper gratuitement sur les choses ou sur les gens. J'essaye d'avoir un propos quand même assez... assez rassembleur, tu vois. J'essaye vraiment, j'ai envie de rassembler les gens, j'ai pas envie de les diviser, donc fais très attention à ça, tu vois. Je fais vraiment attention à ne pas froisser les gens, tout ça, parce que je fais de l'humour vraiment tout public. Je comprends ce que tu veux dire. On a une espèce d'autocensure qui fait qu'on va lisser un peu nos textes, quoi. Oui, et puis surtout le sujet, en fait, hein. Parce que même mon style d'humour, en fait, ressemble au tien. On va parler de situations qu'on a vécues et que tout le monde peut se reconnaître par rapport à la vie familiale ou bien l'activité professionnelle ou des situations de, de, des situations de tous les jours. Mais c'est vrai que, comment formuler ça, les thèmes politiques, je vais par exemple, moi, si je dois aller sur un thème politique qui peut froisser certaines personnes, je vais créer un personnage qui est une tierce personne où j'ai été témoin d'une situation où j'ai pas eu mon mot à dire, mais je raconte la situation. Pour pas... D'accord, oui, tu prends une distance avec le propos, quoi. Ah oui, je prends une distance avec le propos, mais tout le temps. Parce que je ne sais pas si j'ai le profil à en parler, déjà un, et de deux, si je pense que je ne l'ai pas, ben plutôt jouer le rôle de témoin qui a vu une situation et puis rigoler de la situation que du thème en lui-même, même si le thème, en fait, il y a une petite connotation derrière pour qu'on en parle. Par exemple, le Covid-19, tout ce qu'on est en train de vivre, je ne sais pas si je vais le présenter sous forme de sketch avec Mickey, avec un Superman qui n'arrive plus à voler, et puis un Batman qui louche, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Une situation totalement absurde. Un Marvel raté avec un confinement, tu vois. Ils veulent sauver le monde, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont en confinement, parce que Macron leur a dit qu'il fallait rester à la maison, autrement ils allaient tousser et mourir, chacun après l'autre. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, tu as un truc à faire avec Batman, parce que en fait, on a tout mis sur la faute du pangolin, mais en vérité, ils ont compris que c'était une chauve-souris. Ouais, c'est ça. Ça vient d'une chauve-souris. Donc Batman, tu vois, tu peux jouer là-dessus, quoi, parce que lui, c'est la chauve-souris, c'est son symbole, quoi. Tu vois, tu peux faire quelque chose, ça c'est sûr. C'est ça. Mais écoute, là, je vais prendre note par rapport au thème du prochain sketch que je vais faire. Pas de souci, je prends que 80% de droits d'auteur. Ah, t'inquiète, je te donnerai. Y a pas de souci. Hey, je suis désolé, c'est pas ma faute si t'es suisse. Les Suisses sont riches. Point. Ah non, alors comment formuler ça? La structure sociale ou la structure économique donne l'impression qu'on est riche. Après, je pense que comme on est un plus petit pays que certains pays européens, comme l'Allemagne, ils sont à 80 millions, je crois, la France entre 60 et 70 millions, et la Suisse, c'est uniquement 7 à 8 millions. Ah oui, d'accord. Donc le fait que, c'est comme si on était un département en France, mais le fait qu'on a encore notre... On a un contrôle total sur l'État. Tu sais, on n'est pas sous dictat d'une Union européenne ou de Bruxelles. Alors, on peut se permettre de prendre des décisions qui va être bénéfique pour l'État suisse, en fait, pour les cantons. Les cantons, c'est les départements et les villes mêmes. Tu vois, on a encore une souveraineté. Oui. Et puis vous avez une vraie démocratie, en fait, quoi. Oui, c'est le vote direct. Après, quand même, c'est une démocratie directe où tout le monde a le droit de voter. Et puis ensuite, mais quand même, c'est les cantons, donc les départements, s'ils sont pour, ils sont majoritaires, ben, plus il y a de cantons majoritaires par rapport à une votation, plus la votation va être gagnante, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais au moins, tu vois, on vous propose, tu vois, le référendum et tout, on vous propose quand même d'en faire souvent, et ça, c'est ce qui nous manque en France, quoi. Oui, mais c'est ça, mais on n'a pas le même historique que la France, hein, parce qu'on est quand même... c'est un pays qui s'est construit comme un puzzle, tu vois. Il y avait d'abord trois cantons, donc quand on dit canton en Suisse, c'est des départements, trois départements qui... C'est Urichwald, c'est Unterwald, c'est vraiment au centre de la Suisse, vers Lucerne, vers le lac des quatre cantons. Et ces trois cantons se sont unis ensemble contre l'Empire australien en 1300, au XIIIe siècle, je crois. C'était au XIIIe siècle, 1290, si je ne me trompe pas. Et ensuite, plusieurs cantons, donc régions, se sont greffés avec ces cantons. Et puis ensuite, on est passé de 3, 4, 5, et on a normalement 26 cantons à l'heure actuelle. Donc 26 petits départements, et les deux tiers, on va dire 70% parlent l'allemand, le suisse-allemand, c'est un dialecte allemand, donc les suisses-allemands peuvent comprendre l'allemand, mais les allemands ont du mal à comprendre le suisse-allemand. C'est comme en fait, je ne sais pas moi, le patois d'une région de France où ils parlent le français à la base, mais c'est un dialecte. Mmh. Et puis ensuite, c'est 25% qui parlent le français, et là, il n'y a pas de dialecte, c'est que du français. Bon, après, on peut dire dialecte si on parle lentement, tu comprends, on va à une certaine vitesse, et puis il n'y a pas le faux lac, hein, y a, ça, c'est caricatural, mais de bleu, alors on parle plutôt comme ça en Suisse. Hein. Bon, c'est un petit accent, tu sais, en France, moi j'entends souvent les gens dire « Ouais, les Suisses ont un accent, les Belges ont un accent, les Québécois ont un accent », Hey, les Français ont un accent, tu sais. Si tu vas dans certaines régions de France, je te jure que tu comprendras pas ce que le mec va dire. Donc, voilà, il faut un petit peu arrêter avec ça. Vous avez un léger accent, mais comme on en a en France. Regarde l'accent marseillais, l'accent du Nord, l'accent du Berry, l'accent, je sais pas moi, l'accent de Saint-Étienne et tout. Il y a des accents partout. Mais le Haut-Rhin, la région du Haut-Rhin, tu sais qu'ils ont un patois, ils ont un dialecte à eux, qui est pas français, mais c'est une consonance allemande, mais réellement, c'est pas de l'allemand, c'est un dialecte allemand. Ouais, Et en c'est de fait, l'alsacien en fait. ouais, ils disent que c'est de l'alsacien, mais en fait, c'est pas de l'alsacien, parce qu'en fait, c'est du suisse allemand. Tous les Suisses allemands en Suisse comprennent l'alsacien, et les Alsaciens comprennent le suisse allemand. C'est le même D'accord. dialecte, en fait. Mais ils appellent ça l'alsacien. Ouais, mais du coup, tu vois, le mélange entre les deux, je suis pas sûr qu'il soit très bon parce que tu sais, des saucisses au chocolat, c'est pas ouf. Ah, des saucisses au chocolat fondues au fromage. Pas l'oublier, ça. Ou la raclette. Ah, c'est costaud. Oh, mais tu sais, quand j'avais été jouer au festival de Courgenay, on nous avait dit on va vous faire une vraie fondue suisse. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé ça! Qu'est-ce que j'ai aimé ça! C'est bon, hein. Mais tu sais que si c'est une vraie fondue suisse, il y avait du vin blanc dedans. Tu es au courant ou pas? Non, non, alors ne t'inquiète pas, non, non, ils n'en ont pas mis, ils savaient qu'il y avait des personnes de différentes confessions. Donc... Et du kirsch aussi, il rajoute. Non, non, non, ils ont pas mis d'alcool, je te promets. Mais c'était super bon, j'en profite pour saluer toute l'équipe du festival. Ils sont adorables, ils sont vraiment, vraiment super gentils. C'était le festival Chape en rire et j'avais vraiment passé un super moment. Et tu sais, moi, vraiment, je suis tombé amoureux de la Suisse à ce moment-là. Et en même temps, ça m'étonne même pas, tu vois. J'aime le fromage, j'aime le chocolat, j'aime l'argent. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, c'est bien, mais d'habitude ça vient jamais en même temps, c'est ça. Tu peux pas, mais tu manges du chocolat, mais manger du chocolat avec la fondue, c'est chaud, et manger une Non. fondue avec du chocolat, c'est chaud, et de toute façon, c'est à la fin que tu payes. Donc oui, il y a un lien avec l'argent, mais à la fin, toujours. Bon, de toute façon, mais ouais, t'inquiète pas, j'ai Ou déjà au payé début, ça dépend. physiquement. Physiquement, ceux qui me connaissent savent que j'ai déjà payé mon addiction au chocolat et au fromage, il n'y a pas de souci. Ah. En tout cas, Ouais. vraiment, jouer en Suisse, c'est super et j'ai hâte de pouvoir revenir. Et toi, du coup, enfin, dans les anecdotes que tu as préparées pour cet épisode, il y en a qui se passaient en Suisse ou il y en avait autre Oui, part? il y en a un spécialement. Je vais raconter en fait ma première scène qui était mémorable et psychologiquement effroyable, horrible, une torture en lui-même. Non, alors bon, pour un petit peu situer ma carrière professionnelle ou ma carrière semi-professionnelle ou très amateur d'humoriste, j'ai commencé l'humour en 2014. Donc ça fait 7 ans maintenant. Ouais, ça fait 7 ans. Wow, ça passe vite. Et en fait, j'ai toujours été un petit peu blagueur. Et puis un pote, il m'a dit, écoute, arrête de nous faire des blagues, monte sur scène. Et puis je lui dis, mais il n'y a pas vraiment de plateau d'humoriste en Suisse. Et puis il me dit, si, si, il y en a un. Et moi, je me suis dit, bon, bah, je vais raconter mes blagues. Pourquoi pas? Après, je me suis quand même dit, bon, je sais que les humoristes donnent l'impression que quand ils montent sur scène, c'est spontané, c'est direct, c'est même, on va dire. Une conversation. Ou une conversation où c'est non structuré, c'est un petit peu improvisé. Donc je me suis dit, bon, je vais faire le contraire. Je vais quand même écrire ce que je vais essayer de dire. Le problème, c'est que l'exercice d'écrire et ensuite de le mémoriser et de le dire à haute voix, surtout si on n'a pas la technique de l'écriture, par exemple, sous forme orale, ça va être en fait un texte littéraire, et le raconter comme si c'était une blague, c'est pas un poème, c'est pas une partie d'un essai ou autre, donc ça va être horrible. Donc bien sûr, moi je me suis dit, pour prendre confiance, je vais écrire mon texte, et je l'ai lu, et puis je trouvais pas drôle, mais je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de monter sur scène. Et c'était avec le Swiss Comedy Club. Le Swiss Comedy Club, c'est une association d'humoristes qui existe, je crois, depuis plus de 12 ans, 13 ans maintenant, et ils ont eu pas mal d'humoristes qui ont commencé là-bas, comme Thomas Wiesel. Connu en France, mais il est connu internationalement maintenant. Il y a eu Alex Kominek aussi qui commence à monter. Il y a eu Charles Nouveau, Marina Rollman aussi a fait partie ou bien ouais, a participé à des événements ou des scènes ouvertes du comédie. Il y a eu Jessica, il y a eu bon, il est toujours là-bas, Jesse Cobel. Il y a eu pas mal d'humoristes. Il y a eu Nathanaël Rochat, c'est un bon humoriste. Jacques Bonvin, ça c'est les anciens que je te parle, où ils ont fait, on va dire, percé du côté professionnel. Après, il y a tous les autres humoristes, plus ou moins de mon profil, qui démarrent à leur vitesse. Certains veulent vraiment vivre de ça, et d'autres, en fait, se font plaisir. Hein. C'est un kiff avant tout, la scène. Donc, J'ai commencé là-bas, une scène de 5 minutes où, bien sûr, l'organisateur disait oui, si c'est pas bon, on met une sorte de son pour faire comprendre que c'est pas bon. Donc, c'était, je crois, une chanson de Renaud. C'est très déprimant, c'est qui est direct, tu sais, cash. Je sais vraiment pas comment je le prendrais à la place de Renaud, tu sais. Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'était même nous en tant qu'humoriste ou semi-humoriste ou débutant sur scène, on comprenait que dès que la chanson arrivait, elle avait un sens, tu vois. Si le dégage de là, tu sais, un truc. Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Ouais, un truc comme ça, casse-toi, tu pues, tu sais. Après, je sais pas si c'est cette chanson là, mais Renaud, étonnamment, ses chansons c'était souvent tu me fais chier, dégage, tu sais. C'était tous des titres qui ont fonctionné. Parce que pour la francophonie, Renaud, c'est même pas une grande gueule. C'est du style tu m'emmerdes, tu me fais chier, je le dis à haute voix sous forme de chanson, comme ça, ça passe. Et en plus, je gagne des sous parce que je vends. Tu vois, c'est assez représentatif de la mentalité de certains de certaines régions du monde. Bon, bref, voilà. D'accord. Mais dis donc, je crois que j'avais jamais entendu un résumé de la carrière de Renaud aussi clair. Ouais, non, mais je te dis, j'ai eu le temps de faire des réflexions philosophiques sur n'importe quoi, tu sais. Si tu me parles, je sais pas moi, dis-moi n'importe quel sujet ou quel objet, je vais te faire une analyse dessus, tellement que ce confinement m'a abruti dans le philosophisme inutile. Eh ben, tu sais quoi, j'ai une question pour toi, Big oui. Suisse, voilà, je voudrais te demander, mm-hmm. toi qui es Suisse, oui. quel est, à tes yeux, au niveau français, suisse, au niveau mondial, quel est à tes yeux le meilleur fromage au monde? Le camembert. Oh, tu m'as déçu. Non. Je m'attendais à ce que tu me sortes un truc vraiment pointu et tout. Le camembert direct, tu vois. Tu sais quoi, je vais pas demander. J'aime bien le camembert, mais c'est un fromage mou. Il a une odeur forte, d'accord. Comme il a une odeur forte, on va dire, il a un goût fort. Et moi, en fait, je mange le fromage presque avec tout. Si je me fais une salade, je vais rajouter des tranches de fromage dessus. Mm-hmm. Après, il y a un fromage de chez vous, si tu aimes les fromages forts. Ouais. Il y a un fromage de chez vous que j'ai trouvé vraiment trop fort. Ouais. C'était le Vacherin fribourgeois. Ouais, le Vacherin fribourgeois, il est bon aussi. Hein. Ouais. Il est bon, mais il claque. Hein. Il claque au niveau du palais. Hein. Oh là là. Bah, oui. Et sinon, un très bon fromage que j'ai découvert par hasard, c'est le Kalbasch. Ok. Tu connais pas ? Il a quoi comme goût ? Je crois que ça s'appelle du gruyère calbache, un truc comme ça. C'est une espèce. Ça ressemble un peu au comté. J'ai l'impression que ça ressemble un peu au comté. D'accord. Ok. Voilà. Et c'est très très bon. En tout cas, trêve de fromagerie. Oui. Donc tu nous disais donc que tu avais joué donc là-bas au Swiss Comedy Club pour ta première scène. Vu que tu avais fait quelque chose de très écrit, de très préparé, comment ça s'est passé pour toi ? Bah en fait. L'écriture, c'était bien préparé. Et puis, il y avait eu plusieurs humoristes qui montaient sur scène au fur et à mesure. Et puis, la tension montait parce que je voyais que le public était dans la salle en train d'observer donc les humoristes à faire leurs prestations. Et je sentais que pas mal d'humoristes avaient du mal à faire rire le public. Donc, je me suis dit, si un qui a l'air meilleur que moi, parce que ça sentait qu'il était plus à l'aise et il avait de l'expérience, avait du mal à créer des fous rires ou bien à créer une ambiance amusante. Oui, à chauffer le public. Ouais, à chauffer le public. Ben, moi, de mon côté, avec le manque de confiance, parce qu'il faut comprendre que quand tu fais quelque chose pour la première fois, tu doutes de toi très fortement avant, souvent pendant et après. Donc, je m'étais dit, je vais quand même assumer, je vais monter sur scène. Donc, on me présente, et oui, maintenant, Big Swiss, je devais être le 5-7e, etc. Et puis, je devais traverser la salle, donc je passais entre le public pour monter sur la scène. C'était au Chat Noir, c'est un petit endroit, un bar, lounge, où ils ont une salle pas une salle de fête, mais plutôt une salle de concert en bas, pour environ 40 à 60 personnes maximum, tu vois. Et je suis monté sur scène, et je tournais le dos, donc bien sûr, au public. Et quand je me suis retourné, et j'ai vu le public, j'ai eu un trou noir. le bon vieux blanc que tu as quand ton corps panique, en fait, parce que tu as vu les gens, tu as vu la pression, et tu te souvenais plus d'un seul mot de ton texte. Quoi. C'est ça, trou noir, un blanc, ce que tu veux, un violet. Mais là, c'était, j'étais jaune, j'étais devenu jaune. Bon, là-bas, je suis brun, mais là, j'étais devenu jaune. Et je vois le public qui me fixe comme si j'étais un ovni, et en les regardant droit dans les yeux, parce qu'ils me fixaient tous. Hein. Bon, il faut savoir que je fais 2 mètres pour 120 kilos de muscles. Bon, ça dépend des périodes. Hein. Ouais, voilà, voilà. Je ne commenterai pas cette info. Voilà, voilà. Mais alors, la sensation que j'ai eue, c'est « mais j'ai rien à leur dire à ces gens. Je les connais pas, ils ne me connaissent pas. De quoi je vais parler ?» Tu vois, et c'est là que j'ai compris en fait que c'est pas parce que tu fais des blagues à tes potes qui te connaissent depuis ta naissance, donc ils savent exactement tes manières de penser et autres, que tu peux avoir le même impact très vite et avoir le retour du fou rire. Parce que comme tu sais, il y a plusieurs techniques pour chauffer le public. Et d'habitude, c'est en 15 secondes, tu sors ta meilleure punchline. Comme ça, en fait, le public peut plus ou moins savoir dans quel état d'esprit tu es et quel style d'humour tu as. Et en fait, moi, je n'avais pas cette technique-là. Donc, la meilleure punchline des 15 premières secondes, et puis je commence à bégayer. Et à la base, je ne bégayais pas quand je m'exprime. Donc là, j'ai commencé à bégayer et j'ai commencé à parler de tout et de rien, sachant pertinemment que ça n'avait ni queue ni tête et puis ça n'avait aucun sens. Et même moi, je me disais, mais qu'est-ce que je raconte? Et c'est qu'en fait, au bout de 2-3 minutes, que le texte que j'avais écrit, qui de toute façon était nul, ben, je commençais à m'en souvenir et je continuais à parler jusqu'au moment où c'était 4 minutes. Mais les 4 minutes, pour moi, c'était les 4 minutes les plus longues de ma vie et de mon existence. Donc, quand j'ai entendu Renaud qui m'a dit « ferme-la et casse-toi », je me suis dit « c'est mon ange gardien, c'est bon, je peux quitter la scène, tu vois ». Merci Renaud, tu m'as libéré quoi. Ah merci, ah oui, tu m'as libéré d'une situation, mais tu vois la sensation de, je sais pas si tu as vu Pulp Fiction. Oui, bien sûr. Pulp Fiction avec Travolta, où à un moment il y a Bruce Willis qui se bagarre avec un gros caïd black dans la rue, ils finissent dans un magasin, ils finissent dans la cave du magasin, et ils réalisent pas que le propriétaire c'est un psychopathe qui va les torturer, qui fait du SM. Bah en fait, la sensation que j'ai eue ce jour-là, c'était ça. Je suis rentré dans une bagarre invisible avec moi-même. J'ai atterri dans une cave et j'ai fini par faire du SM sur moi-même sans le savoir, jusqu'à réaliser que c'était Renaud, l'ange gardien, qui m'a sauvé en m'insultant. Tu vois ? D'accord, ok. C'est bien. En plus, toi, physiquement, tu aurais le style de Marcellus Wallace. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu as vu ce qui lui est arrivé dans ce film ? Oui, on va pas rentrer dans le détail. Même avec un balèze qui peut assumer toutes les douleurs inimaginables, mais à aucun moment je veux vivre ce qu'il a vécu, même si c'était qu'un film. Même, tu vois, je veux dire. Je comprends. C'est donc voilà. Donc j'ai eu cette chance et malchance en même temps, parce que on dit souvent ouais quand tu débutes il y a la chance du débutant, donc. J'ai vu pas mal d'humoristes qui débutaient et ils sont montés sur scène. Ils ont déchiré la scène. Il y a eu des rires du début à la fin. Et en fait, moi, je suis content que je n'ai pas eu ça. Donc, j'ai eu l'inverse. Donc, j'ai eu Renaud, mon ange gardien, qui m'a insulté. Et je le bénis encore maintenant par ses paroles révélatrices. Parce que ça m'a obligé de me dire, tiens, il faut que je bosse. Être humoriste, en fait, c'est pas facile, et puis c'est pas si simple que ça. Pendant 9 mois, je suis plus monté sur scène, et j'ai commencé en fait à faire des cours de théâtre, toujours avec le Swiss Comedy Club, qui avait un Swiss Comedy School, donc pour apprendre plus ou moins comment me déplacer sur scène, comment plus ou moins écrire des textes, et essayer de m'assumer complètement sur scène, tu vois. C'est une formation qui a dû t'apporter vraiment beaucoup de choses, parce que le théâtre, même si on fait du stand-up et que ça a l'air assez brouillon et tout, en vérité, le théâtre ne peut t'apporter que des forces pour ton prochain passage, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais je confirme. Mais la difficulté, c'est que psychologiquement, comme j'ai été traumatisé par cette première scène où j'ai eu un blanc, je me suis dit, j'ose plus, tu sais, on a beau avoir 20 ans, 30 ans, 40, 50, quand tu as une situation traumatisante, tu vois, tu n'oses plus le refaire. Le mécanisme humain, le mental humain te dit que non, c'est pas pour toi. Mmh. Et puis en fait, de se forcer à le faire, c'est une torture. Tu vois, je l'ai ressenti comme ça. C'était mon ego qui disait, mais non, mais t'es bon là-dedans, tu peux te débrouiller. Après, dire que je peux être le meilleur, bon, ça, c'est tout est relatif. Mais assumer que, voilà, j'étais nul et je peux progresser et je peux que m'améliorer en travaillant et en m'entraînant avec de la discipline. Bon, déjà, si tu as compris ce mécanisme-là, ça peut beaucoup t'aider dans la vie en général, hein, professionnel ou autre. Donc, en fait, c'était la grosse remise en question. Et en fait, depuis 2014, depuis que je fais de la scène, j'ai beaucoup appris sur moi-même. En fait, pour moi, cet exercice de monter sur scène et de développer, de travailler sur des textes et essayer de faire rire les gens, pour moi, c'est un gros exercice mental et de remise en question que j'ai jamais eu avant. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Mettre en question, mais pas de cette manière-là, où tu sais, tout est obsolète, rien n'est acquis. T'as beau être un humoriste reconnu mondialement, internationalement, et puis t'as fait 36 000 scènes, si un jour t'es pas dans ton assiette, ou si un jour tu as un texte que tu maîtrises pas, ou que tu n'assumes pas, ben, tu vas vite comprendre que le public qui a payé l'entrée, ben, ils vont vite te faire comprendre que tu fais de la merde. Voilà. Mais déjà, c'est très mature de ta part d'avoir pris ça comme ça. Et puis, je trouve que ton analyse, elle était intéressante quand tu as fait ce bid. C'est-à-dire au début, même pas. Pardon, j'ai pas compris. C'était le bid du siècle. Bah, alors, ton analyse, elle était intéressante parce qu'elle a commencé même avant le bid. Elle a commencé au moment du blanc que tu as eu sur scène. Ah oui, oui. Voilà, tu t'es dit, je n'ai rien à dire à ces gens-là, et faire rire ses amis, ce n'est pas la même chose que faire rire des inconnus. Et c'est totalement ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans le milieu de l'humour, il y a beaucoup de gens qui se lancent parce qu'ils se disent, je fais rire mes potes, du coup, je peux faire rire n'importe qui. Sauf que, comme tu l'as dit, les gens n'ont pas tes références, ils ne te connaissent pas, tu ne peux pas faire de private joke, tu vois. C'est ça, et ils ont des exigences. Ouais, des exigences, et aussi des préjugés. Tout le monde a des préjugés sur tout le monde. Tu vois une personne pour la première fois, tu sais pas qui il est, tu as un préjugé par rapport à la manière comme il se déplace, son langage du corps, comme son expression du visage, dans une situation bien précise où tu es témoin, tu vois. Tu vas juger une personne avant de la connaître. Après, ça peut aller à l'extrême, comme du style, ça peut vite disparaître très vite, tu vois. Parce qu'on le veuille ou non, on a tous des préjugés sur n'importe quelle personne qu'on croise ou, tu vois, on pense connaître une personne qu'on ne connaît pas jusqu'à ce qu'elle s'exprime. Ou bien on a des préjugés sur une personne, par exemple, tu vois, je sais pas, tu te souviens, Tintin, à un moment donné, je sais pas, il y avait Capitaine Haddock là, qui avait pitié dans un aéroport... d'un vieillard qui était mal habillé, puis finalement le vieillard qui était mal habillé, c'était le propriétaire du jet privé où ils allaient à un endroit bien spécifique. Tu t'en souviens? En plus, le gars, c'était un pixou, c'était un rapsou. Tu te souviens de cette BD? Je me souviens de Tintin. Ce morceau-là, ça me dit rien, mais je vois totalement le préjugé qu'on a. J'avais déjà vu ça dans une série. Ouais. Il y avait en fait deux personnes qui allaient arriver dans, tu vois, genre dans une espèce de café et tout. C'est une série marocaine. T'en avais un, c'était un grand professeur de, je sais pas quoi, de physique nucléaire ou je sais pas quoi. D'accord. Et l'autre, c'était quelqu'un qui venait demander une place pour travailler dans ce café, tu vois. D'accord. Et voilà, le mec qui venait demander une place de serveur ou quoi, il est arrivé en costard, truc de malade, super classe et tout, tu vois. Et l'autre, le professeur, il est arrivé quasiment en guenille, quoi, tu vois. Et justement, les gens du café les ont confondus tous les deux. Ils ont pensé que c'était le mec en costard, c'était le professeur, et l'autre, c'était le gars qui demandait la place. Ouais. Et ils les ont traités de la façon dont ils les avaient jugés, tu vois. C'est ça. Malheureusement, ce que j'ai appris assez rapidement sur scène, c'est la même chose. En fait, tu as 15 secondes pour développer un capital sympathie avec le public. Ils ne te connaissent ni d'Adam et Ève, ils peuvent avoir des préjugés, bons ou mauvais, hein, d'accord, c'est leur droit, etc. Chacun pense à sa manière. Et tu as, pour moi, c'est ça, c'est les 15 premières secondes qui vont faire la différence. Très vite, hein, tu montes sur scène... Langage du corps, par exemple, tu fais une intro sans t'exprimer, mais c'est le langage du corps qui va décrire plus ou moins le type d'humoriste que tu vas être. Ça va très vite. Hein. Et si dans ces 10-15 secondes, tu n'as pas réussi à faire comprendre aux personnes quel type de personnage tu es sur scène, ou tu les as perdus, donc tu ne vas pas les faire rire, ou ils ne vont pas comprendre ton style d'humour, tu vois, ou carrément les deux. Et puis là, tu passes un moment... Ben, tu fais la traversée du désert durant ta performance, ta prestation, tu sais. Donc, Mais tu vois, tu parlais de 15 secondes, je oui. crois, tu parlais de 15 secondes, je Oui, crois qu'en c'est ça. fait, c'est un truc, c'est une étude qui montre que pendant les 20 premières secondes, Ouais. on juge d'abord la personne. Et c'est C'est ça. pour ça, si je Ouais. dis pas de bêtises, hein, je voudrais pas me tromper, mais je crois que c'est pour ça que Jason Brokers a appelé son spectacle 21e seconde. Ah, bah ouais, c'est ça, hein. C'est Je crois ça. que c'est pour ça. Et Ouais. c'est genre à partir de Ouais. la 21e seconde, c'est là que tu prêtes vraiment attention aux propos. Mais pendant les 20 premières secondes, tu es plus dans le jugement de l'attitude et tout. C'est ça. Donc, ça rejoint ce que tu disais. C'est ça. Et même, ouais, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, je ne savais pas que Jason Brokers, il avait nommé son spectacle 21. Mais ouais, mais ça, moi, ça me parle, hein. Mais bon, peut-être c'est un petit peu technique pour les non-initiés de la scène d'humour, mais pour les futurs humoristes qui sont certainement talents, tueux, d'accord? Et je pense que tout le monde a un talent. Donc, si vous essayez la scène, essayez de réaliser. Ben voilà, c'est ça, c'est juste le conseil d'un humoriste qui a fait 7 ans de scène. Essayez de vous concentrer sur les ouais, 21e seconde en rentrant sur scène pour créer un capital sympathie et ensuite vous attaquer sur vos sujets qui peuvent être hardcore ou bien plus souples. Mais après, la difficulté, après ça, tu sais, après ces 9 mois d'isolement, de remise en question sur l'existence même de ma personne et de Dieu, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, hein, certainement à tes débuts, parce que maintenant tu es à un tel bon niveau que tu te poses peut-être moins la question, mais. T'as pas remarqué que chaque fois qu'on a fait les scènes qui ne marchaient pas comme on voulait, à un moment donné, on est en train de se dire, mais pourquoi j'existe? Mais quel est le sens de ma vie? Mais Ben pourquoi? déjà, j'aimerais te remercier, c'est très gentil à toi. Je pense qu'on continue toujours d'apprendre le Toujours. niveau. Tu vois, on a toujours une marge de progression. Donc déjà, merci beaucoup, c'est très gentil. Mais oui, je ressens encore ça. Même aujourd'hui, j'ai Ouais. l'impression que quand tu te plantes, quand tu fais une scène qui n'a pas marché comme tu le voulais, ce qui Ouais. va se passer, c'est que dès que tu vas sortir, tu vas dire, mais pourquoi je m'inflige ça? C'est Pourquoi ça. est-ce que… Tu vois, pourquoi est-ce que je monte sur scène? Est-ce que je suis légitime? Tu vois, donc tu te questionnes et tu te questionnes sur des sujets plus ou moins proches de la scène. Oui, genre, quelle En est ma place société. ici? Tout ça. Mais Oui, mais c'est ça. C'est tu te dis, bah, parce que moi, en fait, ce qui m'arrive, moi, je ne me questionne pas sur, tu vois, tout ça, sur le côté religieux. Ça, non, ça, non, ça va. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Non, ce qui rentre en ligne de compte, c'est, attends, j'ai l'impression que c'est le seul truc que je sais faire. Et du coup, je Attends, n'ai pas attends. réussi à le faire, tu vois. Oui, Donc, attends, je sers à attends. quoi finalement? Oui, mais c'est ça, c'est ça. Comment tu l'as formulé? Tu as dit, c'est la seule chose que je sais faire. Mais moi, je dirais même plus. C'est la seule chose que je sais faire bien, tu sais. Alors, En quand je temps fais pas normal, bien, hein. en temps normal. C'est ça, c'est ça. Mais parce que pour moi, l'humour, ou bien cet exercice très intellectuel, parce qu'on ne réalise pas à quel point ça demande de la réflexion et du travail, un travail mental et psychologique, tu sais. Toi-même, avec tous les textes que tu as écrits, et puis moi-même, hein, c'est des grosses soirées de réflexion où tu penses, tu sais, tu es dans tes pensées. Après, on dit souvent que les humoristes, en dehors de la scène, sont introvertis. Ils ne sont pas extravertis. Pas Introvertis, c'est-à-dire que. forcément. Ouais. Ouais, mais j'ai remarqué, en fait, que c'est un. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais nous sommes des faux introvertis, tu sais. Moi, j'en remarque depuis que je fais de la scène, je suis moins extraverti. Pourquoi? Parce que j'essaie d'observer au maximum. Et quand tu observes, bah, tu analyses. Et quand tu analyses, bah, tu ne vas pas commencer à être toi le centre d'attention. Donc, tu t'introvertis, tu commences à être discret, à moins t'exprimer devant un public. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quand tu es sur scène que là, ton côté extraverti ressort. Je ne sais pas pour toi. D'accord. Moi, Bah, moi, en fait, c'est différent, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai toujours été extraverti, justement. J'ai toujours été très, très expressif et tout, tu vois, impulsif, tout ce que tu veux. Et en fait, sur scène, c'est juste, j'ai l'impression que je suis vraiment très proche de ce que je suis dans la vie, tu vois. Et ben, je connais à l'inverse beaucoup d'humoristes, ceux dont tu parles là, je connais beaucoup d'humoristes qui, dans la vie, sont vraiment très, très calmes, introvertis et tout. Et dès qu'ils arrivent sur scène, ils se lâchent, tu ne les reconnais pas, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, alors, personnellement, pour mon cas, moi, j'ai l'impression que j'étais très expressif durant l'adolescence, tu sais. Et quand j'ai quitté le monde de l'adolescence pour travailler, pour commencer à travailler dans le monde des adultes, j'ai commencé à être plus discret. J'ai commencé à sélectionner la manière dont je devais, en fait, le côté extraverti, j'ai commencé à le garder pour moi, ou bien pour mes proches, ou mes amis. Pour moi, la scène, c'est le seul moment où je suis réellement moi-même. Et en dehors de la scène, T'as l'impression de jouer un rôle, quoi. Ouais, je joue le rôle du calme, du faux calme, parce qu'en fait, si je connais pas la personne, je vais être pas distant, mais je vais être pas timide, mais un petit peu calme, tu vois. Et ensuite, quand je sens que le feeling passe et on peut parler de tout et de rien, là, je me lâche comme sur la scène, tu vois. J'ai une sorte de je sélectionne d'une manière. Maintenant, c'est presque un réflexe, tu vois. Là, on parle, on discute, etc. Mais, comme on se connaît, donc voilà, je me lâche, tu vois. Mais si, par exemple, j'avais une conversation avec un journaliste que je ne connais pas, je ne sais pas si je serais aussi souple ou aussi expressif que ça. Bon, tu vois un petit peu l'exercice ou pas? Oui, tu aurais un peu plus de mal à te livrer, quoi. Oui, je pense que ouais, ça, c'est le mot. Je me livrerais moins. Et je remarque que dans le monde du business ou quand je fais mes affaires, c'est un rôle que je dois jouer. Pourquoi ? Parce que c'est l'environnement souvent professionnel qui t'oblige à ne pas faire des blagues à longueur de journée avec un mec avec qui tu vas vendre, je sais pas moi, des montres ou bien une voiture et autres. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas tout dire à n'importe qui. Tu vois, tu sélectionnes plus ou moins les personnes qui. Mais normalement, quand tu montes sur scène, tu te dis que les gens sont venus là pour écouter ben, des bêtises ou bien des situations ou bien burlesques ou bien un petit peu ouais, on est en fait c'est difficile en fait pour un humoriste de faire des blagues dans la rue, tu vois. Par exemple, tu te mets à un endroit dans le coin d'un carrefour et tu dis ouais, je suis là, je suis un humoriste, je vais faire du stand-up. Tu prends un micro, tu as un speaker à côté, que tu balances tes blagues quand les gens sont en train de marcher et traverser, tu sais que l'attention que tu vas avoir d'eux, c'est mais qu'est-ce qu'il fait? Et ben tu sais quoi, ouais. Franchement, tu m'as vraiment fait plaisir avec cet exemple-là. Est-ce que tu sais qui fait ça ? Textuellement, vraiment, quelqu'un fait ça en ce moment. C'est Redouane Arjane. Là, au moment où on enregistre, on est encore confiné. Ouais. Et il fait des vidéos sur Insta, il va dans la rue et il fait exactement ce que tu viens de dire. Oui, mais si tu regardes l'exercice qu'il est en train de faire, parce que c'est un exercice. Ah, moi, je ne pourrais pas. Hein. C'est costaud. C'est... Après, Redouane, comme il est un petit peu connu, on va dire plus que nous, beaucoup plus que nous. Mais vraiment beaucoup. Peut-être ça aide un peu à faire cet exercice, mais moi je pourrais le faire. Moi je pourrais le faire, mais je sais que le résultat serait. Je partirais en mode kamikaze. J'ai plus rien à perdre. Let's go, on y va. Le résultat, on s'en fout. Et puis, tu vois, je serais plutôt dans un état d'esprit pareil. Lui, en fait, il expliquait qu'il profitait, il voulait vraiment de faire ces vidéos-là pour voir le malaise. En fait, il aime créer du malaise et de la gêne. Donc, ça lui convient totalement qu'il n'y ait pas de réaction et que les gens soient gênés de le voir comme ça, tout ça. Lui, c'est quelque chose qu'il veut exploiter, tu vois, derrière. C'est son personnage sur scène. Voilà, ben, totalement. La gêne et le malaise, ça fait partie de son style depuis pas mal de temps. Il l'exploite avec brio. Il est vraiment très, très fort là-dedans. Et donc, ça lui correspond. Alors que moi, quand je suis sur scène, vraiment, j'ai pas de personnage, j'ai pas de prisme. Tu vois, je parle directement aux gens. Ouais. Ça fait que si les gens ne réagissent pas et tout, je vais avoir vraiment beaucoup de mal, quoi. Oui, non, mais c'est une souffrance. Non, mais c'est horrible. T'es dans ton texte ou bien t'es dans ton dialogue à toi-même ou à la personne qui est supposée t'écouter. Et puis, au lieu que tu entendes un rire de cette personne, tu vois que la personne ne t'a pas écouté durant tout le long, pendant 2-3 minutes. C'est horrible. C'est dur, mais en même temps, tu sais quoi ? Même en parlant d'un spectacle organisé, parce que là, c'est pas organisé, c'est sauvage. Même en parlant d'un spectacle organisé en plein air, déjà, c'est dur. C'est très, très dur. C'est dur. Voilà. C'est dur. Mais alors, en plus, quand les gens ne font que passer et qu'ils n'étaient pas prévus qu'ils s'arrêtent pour t'écouter, là, c'est encore plus dur. Mais c'est un exercice. Il faut juste en avoir conscience, tu vois. Et lui, il en a conscience. Il le disait. Il disait qu'il le faisait exprès pour ça, parce que ça le faisait rire d'exploiter le malaise et la gêne des gens. Et ça correspond totalement à son personnage. C'est parfait. Oui, c'est ça. Mais à part lui, combien d'humoristes durant le confinement ont fait le même exercice que lui ? Personne. Je ne connais pas vraiment qui... Peut-être qu'il y en a un ou deux qui a essayé, mais il s'est dit « Non, cette torture, elle est trop difficile. Je ne supporte pas. » On attend tous que les théâtres ouvrent pour pouvoir faire nos prestations. On est comme des petites stars. « Non, je ne peux pas chanter si le micro n'est pas bien on va dire, n'est pas bien, on va dire, géré par l'ingénieur du son, parce qu'autrement, tu vois, je vais dire non, mais attends. Mais après, c'est pas des caprices par rapport à genre une exigence de star et tout. C'est plus parce qu'on sait qu'en fait, le spectacle vivant, c'est tellement une science inexacte que s'il y a le moindre petit bémol technique, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'on veut mettre toutes les chances de notre côté. C'est-à-dire que même avec toutes les meilleures conditions, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que même si tu as le son parfait, la lumière parfaite, la température dans la salle, elle est bonne, les gens, ils sont assis correctement et tout, la scène, elle est assez grande pour toi, tout va bien. Et bien, à ce moment-là, malheureusement, ça peut ne pas prendre. Donc, ce qu'on fait, c'est que par sécurité, tu vois, on se borde un peu, tu vois, on se met des trucs de sécurité, on se protège un peu, on se dit au moins, vu que je ne peux pas agir sur la capacité des gens à rire et la réceptivité des gens, au moins, je vais agir sur le côté technique, je veux qu'il y ait aucune excuse du côté technique, je veux que ce soit parfait, et après, c'est à moi de faire le reste. C'est vrai. Je te donne raison. Hein. Quand tu sais que toutes les chances sont de ton côté, d'accord, donc, tu as les meilleures chaussures avec crampons pour faire ton match de l'année, d'accord, tu as le stade où la pelouse, elle est parfaite, tu as les meilleurs coéquipiers, tu as les meilleurs arbitres, tu t'es entraîné pendant des mois et des années à... Tu vois, donc tu mets toutes tes chances à côté pour être le meilleur joueur de football. Mais est-ce que le résultat sera identique si en fait tu ferais un match amical sans arbitre et sans terrain avec un terrain goudronné dans une favela du Brésil avec des tueurs en série ou bien des gangsters qui sont en fait tes adversaires? Est-ce que toi, en tant que Ronaldo ou Messi, tu penses que la prestation va être identique? Je doute. Ouais, c'est sûr. Enfin, écoute, en tout cas. On est loin de tout ça, mais le stand-up, quelque part, c'est bien parce que c'est un jour, tu joues dans la favela, le lendemain, tu joues à l'Olympia, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. En fait, tu joues dans toutes les conditions possibles. On est des humoristes tout terrain, tu vois, et on joue partout où on peut. Et c'est ce qui fait qu'on aime ce métier parce que c'est jamais la même chose. C'est toujours un petit frisson de est-ce que je vais réussir à les avoir ou pas. Et puis après, quand tu les as, c'est tellement un bonheur que voilà. C'est ça, pour moi, c'est le challenge. C'est un défi. Et c'est souvent, je pense qu'on a tous besoin d'une activité où on ne sait pas comment va être fait, comment va être le lendemain, tu vois. Mm-hmm. Tu vois, il y a souvent des gens qui disent, ouais, j'adore ce métier parce que chaque jour, c'est différent. Ouais, les jours se suivent et ne se ressemblent pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment une sensation de découverte. Je pars à l'aventure. Je monte sur scène en partant à l'aventure. D'accord. Non, je suis d'accord avec toi, hein, parce que faire rire des Bordelais, faire rire des Parisiens, faire rire des Lyonnais, faire rire, je sais pas, des Québécois ou faire rire des Suisses, toi-même, tu sais, l'humour est totalement différent. Et après, c'est peut-être les codes. Chaque région francophone ont leur propre code. Et il y a certains sujets qui sont plus tabous que d'autres. J'avais joué à Lille, tu vois, il y a une scène, ils font une scène ouverte où tu as deux prestations le même soir. Oui, le spotlight. Le spotlight, voilà. J'y suis allé, j'ai fait ma prestation, et puis la première, j'étais à l'aise, mais j'ai pas eu de rire, ou très peu. Puis en fait, j'avais sorti le meilleur catalogue de mes blagues. La deuxième session, c'était un petit peu mieux, tu vois, parce que j'ai essayé de comprendre plus ou moins le mécanisme du public, tu vois. Et puis ensuite, je suis allé jouer à Bruxelles, bah, j'ai fait les mêmes sketchs. Et puis, ils ont rigolé du début à la fin. Oui, bah en fait, il y a plusieurs façons de faire passer tes blagues et tout. Il va y avoir des fois des petites adaptations au niveau des références qui ne seront pas les mêmes. Il y a peut-être, comme tu le disais, il y a peut-être des sujets tabous si tu vas jouer dans certains pays ou quoi. Il peut y avoir des sujets où les gens ne sont vraiment pas à l'aise. Tu vois, moi, je vois, nous, en France, là où on n'est pas à l'aise, c'est avec l'argent, tu vois. Ça, j'avais remarqué. Hein. Voilà, si tu veux, aux États-Unis... les gens, au contraire, tu leur dis j'ai réussi, j'ai joué dans un film qui m'a rapporté 4 millions de dollars. Les gens vont t'applaudir, vraiment, ils vont t'applaudir. Ouais, tu sais, ils valorisent le succès là-bas, ils valorisent la réussite. En France, tu arrives et tu fais ouais, mesdames et messieurs, j'ai joué dans une série et j'ai gagné, je sais pas, 400 000 euros. Les gens vont te regarder, genre, bah. Pour qui il se prend? Voilà, c'est ça. C'est genre, tu viens nous éclater ton bonheur à la gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Donc, il y a des sujets tabous, pas forcément des sujets de vulgarité ou de choses un petit peu tendues tu vois, qui ne sont pas familiales ou quoi, je sais pas. Mais je veux dire, il y a des tabous, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le monde du travail, ça peut être les parents, ça peut être n'importe quoi. Mm-hmm. Voilà, on doit en fait connaître un peu les tenants et les aboutissants de chaque pays pour pouvoir adapter nos textes. Mais l'humour en lui-même est universel, tu vois, l'humour en lui-même. Mm-hmm. Normalement, une blague, tu peux... Alors, bien évidemment, il y a des blagues qui ne fonctionneront qu'en Suisse, des blagues qui ne fonctionneront qu'en France et tout, mais... il y a quand même un gros spectre de blagues universelles. Et c'est ce qu'a essayé de montrer Yacine Bellous. On en parlait tout à l'heure en off. Mm-hmm. Yacine Bellous, dans son documentaire « Voulez-vous rire avec moi ce soir ?», il a joué dans plusieurs pays, en anglais, en français, et il a réussi à faire rire les gens dans plusieurs langues, dans plusieurs pays. Il y a tout un spectre de blagues qui vont être universelles. Quoi. Et d'adaptation aussi. Mais tu adaptes un tout petit peu, mais tu ne vas pas dénaturer ta blague, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi, parce que bon, moi, par exemple, l'exercice que je fais pour le public qui ne me connaissent pas encore, mais je joue autant en français qu'en anglais. Bon, je fais une petite promo. je joue autant en français qu'en anglais. Bon, je suis bilingue. Moi, j'ai eu l'opportunité, en fait, quand j'étais adolescent, d'être recruté par un agent sportif qui m'a envoyé aux États-Unis pour jouer au niveau universitaire au basket, tu vois. Ouais, donc tu as pu peaufiner ton anglais parfaitement, quoi. Ouais, parfaitement, ouais. Après, en revenant en Suisse, j'ai continué à pouvoir m'exprimer en anglais aussi, dans le monde du travail et autres. Mais cet exercice de faire des scènes en français et en anglais, ce que je m'amuse à faire, j'ai un sketch en français qui est pour la culture française. Et l'exercice, c'est de le traduire en anglais et faire quelques modifications, quelques variantes, pour que j'ai des punchlines légèrement différentes, mais le thème et le sujet parlent autant aux francophones qu'aux anglophones. Et ça marche. Mais par exemple, quand je fais un one-man show, une heure de prestation, un spectacle complet en anglais, ce sera un spectacle totalement différent que le français. Ce sera en fait deux versions qui ont plus ou moins des thèmes plus ou moins similaires, mais on ne peut pas dire que c'est le même spectacle. Parce que d'accord. Je sais que je peux pas faire rire les anglophones de la même manière que je peux faire rire les francophones. Tu vois, cet exercice-là, c'est très enrichissant, tu vois. Et puis je remarque, hein, c'est ça, c'est chaque culture, on ses codes et on la mentalité, les codes, les manières de faire, etc. Et puis comme Yacine là qui a pu jouer en anglais dans différents pays. Même si tu joues en anglais, mais tu vas jouer, je sais pas, en anglais en Allemagne, et puis le public, c'est des Allemands, mais qui maîtrisent l'anglais, ou des Polonais qui maîtrisent l'anglais, le résultat va pas être le même. Tu vois? Oui, bien sûr. Même l'humour anglais, donc de l'Angleterre, UK, ça n'a rien à voir avec les Américains. Oui, bien sûr. J'ai remarqué, c'est le dialogue ou le texte en lui-même, il n'est pas très riche, d'accord? Le vocabulaire n'est pas riche, mais c'est la manière comme ils le disent. C'est la manière comme ils vont amener la blague, tu sais, c'est la technique du tempo, d'accord. Le rythme, tu sais, c'est... En fait, parfois, pour moi, faire des blagues et perfectionner une blague en elle-même, c'est comment le son sort de ta bouche. Donc, il y a le tempo, il y a les arrêts, les temps morts, tu sais, et ensuite, tu peux finaliser pour augmenter l'impact de la blague avec la punchline, la chute, avec un effet de langage du corps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais en fait, tu vas vraiment... tu vas prendre deux personnes qui vont jouer le même texte, ils ne vont pas le jouer de la même façon, et selon comment il va être joué, la blague va être plus efficace dans un cas ou dans l'autre, alors que c'est le même texte. C'est ça. Oui, il y a des intonations, il y a du langage corporel et tout, ouais, c'est vrai, absolument. Mais donc, ça prouve encore une fois de plus que l'humour est une science totalement inexacte, qu'il est très très dur de faire rire déjà, et puis de faire rire dans d'autres langues, dans d'autres pays, tout ça, c'est encore plus compliqué, mais c'est ce qui rend la chose belle, c'est qu'on peut toujours aller plus loin dans le challenge, quoi. Ouais, mais le challenge, il est quand même costaud, hein, parce que je me suis jamais autant remis en question depuis que je fais de la scène. Pour moi, j'ai l'impression que j'ai fait une thérapie avec un psy invisible depuis 7 ans. Ouais, mais c'est ça. Hein, la scène, c'est de la remise en question permanente. Et puis, c'est ce qui nous apporte, des fois, tu vois, avec le doute, tout ça, c'est ce qui nous apporte une évolution. ça nous encourage à travailler. C'est exactement ce que tu as eu pendant ton anecdote. C'est que en plein milieu, tu as compris que c'était un travail et qu'il fallait vraiment bosser là-dessus. Tu l'as fait et ça t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui. Et ouais, puis, je te souhaite vraiment que ça continue le plus longtemps possible, hein, tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, Big Swiss, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux, ben, j'ai un Facebook, page Facebook, c'est Big Swiss, donc B-I-G-S-W-I-S-S, donc Big Swiss, donc Grand Suisse, mais en anglais, quoi. La traduction, voilà. Ben, donc, j'ai une page sur Facebook et sur Instagram aussi, Big Swiss, après il y a le trait d'en bas et puis vous marquez comédien. Comédien, hein, comédien, mais pas avec E-N à la fin, A-N, parce que bon, c'est, on va dire, c'est toujours un petit peu le côté anglophone. Ça, parce que monsieur est bilingue, on avait compris que monsieur était bilingue. Bilingue. Yes, yes, yes, sir. Cool. Et donc, tu as une chaîne YouTube peut-être et Twitter. J'ai une chaîne YouTube, mais je ne l'ai pas vraiment exploitée pour l'instant. Oui. Alors, c'est quoi la chaîne? C'est Big Swiss, sous Big Swiss aussi. Je crois que c'est Big Swiss Comédien, la même chose, je ne me fous pas trop pour les noms, tu vois. Et puis, non, c'est Big Swiss Comedy Show, voilà. D'accord. Big Swiss Comedy Show. Show, bon, pas show, C-H-A-U-D en français, mais show à l'anglaise. D'accord, toujours. Pas de problème. Bah oui, oui, pas de souci, c'est noté. Je suis bilingue, voilà. D'accord, bah, très bien. Et Twitter, non, par contre, tu n'as pas Twitter. Twitter, ah, si, j'ai Twitter, mais en fait, ils m'ont bloqué quand j'ai ouvert le compte. Parce qu'ils ont dit, en fait, que j'étais... qu'en fait, je n'existais pas. Ils n'ont pas cru que j'existais. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont dit que j'étais une sorte de... un robot informatique. D'accord. Comment ils appellent ça? Tu sais, quand ils font les recherches, là. Ouais. Un bot, quoi. Un bot. Ouais. Donc, Est-ce qu'ils étaient là, parce qu'ils disent que tu n'existais pas, est-ce qu'ils étaient là quand tu as pris ton bide avec la chanson de Renaud en fond? Ah non, ils n'étaient pas là. Hein, ils n'étaient pas présents. Bon, peut-être ils se sont dit, c'est tellement nul que ça peut que être un robot. C'est pas possible. T'inquiète pas, si ça tenait vraiment qu'à ça, je pense que tous les humoristes ont été des robots au moins un jour dans leur vie. Ah ouais, je suis persuadé. Eh ben nickel, en tout cas merci beaucoup. Ben, on te retrouve merci un petit peu partout, Sophia. Donc je mettrai les liens vers Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Super, merci à toi. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.